j'en suis à l'étroit dans le décor. Malgré mes bijoux plaqués or, j'ai mangé tous mes chamois d'or. Dis-moi, est-ce que j'existe encore? Et toi, quand je me sens un peu de trop, à l'anniversaire de Léo, que tout le monde me prend de haut. Dis-moi, est-ce que j'existe encore? Et toi, moi qui suis toujours pris en tort. Face à la raison du plus fort, tout nu face au conquistador. Dis-moi, est-ce que j'existe encore? Et toi. Quand je traîne dans les rayonnages, et toi, une grande surface du nouvel âge, et toi, y'a trop d'objets, ça me décourage. Dis-moi, est-ce que j'existe encore? Et toi, quand je prends conscience avec horreur, et toi, que le vendeur d'aspirateurs, et toi, en fait n'est qu'un fief et menteur. Dis-moi, est-ce que j'existe encore? Et toi, moi qui suis toujours pris en tort, face à la raison du plus fort, tout nu face au conquistador. Dis-moi, est-ce que j'existe encore? Et toi, rassure-toi, j'ai au fond de moi un feu de joie qui ne s'éteint pas. Je souffle dessus de mon cœur, ça fait fuir les oiseaux de malheur. Et toi, viens me rejoindre sous les draps, comme sous la tente déchire pas. Ton sourire nous réchauffera, tant que le yeti rôdera. De mes erreurs, et toi, je fais bonne mine, la bouche en cœur. Et toi, d'être pris en défaut, j'ai peur. Dis-moi, est-ce que j'existe encore? Et toi, quand je m'ennuie à pierre fendre, et toi, bien droit dans mon rôle de gendre, et toi, que ta mère me donne envie de rendre. Dis-moi, est-ce que j'existe encore? Et toi, rassure-toi, j'ai au fond de moi un feu de joie qui ne s'éteint pas. Je souffle dessus de mon cœur, ça fait fuir les oiseaux de malheur. Et toi, viens me rejoindre sous les draps, comme sous la tente des sherpas. Ton sourire nous réchauffera, tant que le yeti rôdera. Et toi, tant que le yeti rôdera. Et toi, tant que le yeti rôdera. Et toi. C'est nul. Non, c'était cool.